but who? They may drop little hints like, beautiful day out. Even more beautiful since we saved by bundling our home and car insurance with Geico. Or, yard work is hard. Much harder than bundling with Geico, which was easy. Or it may be even subtler, like, speaking of burgers, we bundled our home and car insurance with Geico and saved a bunch of money. Bundling is easy with Geico. Just ask your neighbors. To heaven, a soul ascended, all the church bells they did ring. She took with her medicinal cup, mark the head. La décennie de vos plus beaux moments. Nostalgie. Je l'ai trouvé au petit matin, tout tenu dans mes grands souliers. Placé devant la cheminée, pas besoin de vous faire un dessin. De battre mon cœur, c'est arrêté. Je me suis penché et sa beauté m'a rendu muet. Fatigué, j'ai la gueule de bois, toute la nuit j'avais aidé mon père. Dans le feu j'ai remis du bois, dans la cheminée y avait pas son père. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard et le

me smooth, whoa, whoa. Sway me now, la, la, la, la. And make me thrill as only you know how, la. Come on and sway me now, yo, yo. Wonderful world, beautiful people, you and your girl, this could be free. Annie aime les sucettes, les sucettes à la nuit. They call me mellow yellow, they call me mellow yellow. Le meilleur des 60s, 24h/24. Nostalgie 60. Nostalgie 60. Les plus grands artistes des années 60. Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez, en guise.

Disponible 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. Nostalgie. Yeah.

Well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of a lonely street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, I could die. Keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down the lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be. You're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. C'est pour toi, Seigneur, qu'ils ont tant marché. Tous ces voyageurs, récompensez-les. Toutes les églises sont pleines à craquer. La terre prodise, ils l'ont bien mérité. Ça fait 10 000 ans qu'on les fait patienter. Nostalgie au cœur des 60s avec Nostalgie 60. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for. It looked like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Boeing sur mon transit, aucun bateau sous mon transat. Je cherche en vain la portée exacte, je cherche en vain le mot exit. Je chante pour les transistors ce récit de l'étrange histoire de tes un amour transitoire, de belles au bois dormant qui dort. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sais me dégrain de pavots sur les pavés de mon amour. Tu sais ces photos de l'Asie que j'ai prises à 200 hasards. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vives ont pâli. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur mésonaste. C'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sais me dégrainer de pavots sur les pavés de l'amour. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sais me dégrainer de pavots sur les pavés de l'amour. Swing me all the way down there.

I finally died, which started the whole.